baby. Love you so. Turn your life and make it shine bright. fucking lollies. To be jamming, breaking, oh yeah, we come together. Are you ready? Oh yeah. Mélanger nos flots, nos opinions, la terre génération de vie. Lève le poing, lève la tête, le combat n'est jamais fini. Je suis un reggae music addict, addict sous toutes ses formes de pratique. Oh yeah, pour moi y'a rien de plus magnifique. This is a natural mystic. Oh yeah, I run the rally comme un métronome. Number one dans les hits pour nous c'est oh yeah, une fan. Non ce n'est pas le summum. Pour l'éducation, on fera tout, on fera le maximum. Et c'est ici qu'on a toutes les générations rassemblées. Pas d'imitage, du novice à l'expérimenter. Old generation, new generation. Regarde les foules, regarde les abominations. The rainbow, oh yeah, no. See the one I took, should jump by the window. Run out of the main room, oh yeah, no. Run some back, give me daddy pants. That's a miscall, you know, the oh yeah, no. Come on, baby. Just see me on my way. Le reggae chaque année sort des jeunes par milliers. Moi je vois même des mômes de 10 ans avec des t-shirts marrés. C'est pas dans notre culture, me répondront certains français. Va dire ça à tous ces jeunes que cette musique est jamais. Alors si criez-le, parlons plutôt des médias qui nous polluent les oreilles avec leur tranche d'endroit. Je te parle pas d'indépendants, je te parle des mafias qui vendent la soupe et le bla bla bla. Ce n'est pas le summum. Oh yeah, no. Oh yeah, no. Ouais, mama. Oh yeah, no. Oh yeah, no. Trop tôt. Fais sonner les trompettes. Oh yeah, no. Oh yeah, no. Ah, ça va pas les trompettes. Oh yeah, no. yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, nah. Everywhere, Boyena. Reggae in church, reggae in church. Everybody, they tried to kill it many years ago. Boyena. Connection interrompue. Reggae in the bathroom, reggae in the bedroom, reggae everywhere, reggae in jail, reggae in jail. Everybody like it. They tried to kill it many years ago, killing the prophet of reggae, destroying the prophet of reggae. But somebody said to all the bad men, respect the Rasta man. Respect the Rasta man, 'cause you're only one in Jah creation. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae, Rasta man. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae, Rasta man. You can change the rhythm of playing reggae, but never ever change the message. Every time I play in Babylon, they try to destroy me as well, killing the prophet of reggae. But somebody said to all the bad men, j'ai plus de power. We'll be right back. souhaite le bonsoir, les Rastafari. Bonne soirée, bon week-end. Bye bye. Soyez raisonnable avec votre petit corps. N'abusez pas des bienfaits de la vie. We'll be right back.